Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. C'est Chris et je vous souhaite la bienvenue pour la troisième édition de votre nouveau programme que je vous propose sur Radio Gamozo intitulé Fréquence Libre. Je rappelle le principe, il est très simple, vous aurez le droit à trois émissions en direct par semaine, le lundi, le mardi et le mercredi, dans lesquelles je recevrai différentes personnes et personnalités de tous les horizons, du dessin au graphisme en passant par la musique et j'en passe. Pour ce mercredi, et pour ce troisième numéro, j'accueille un dessinateur et illustrateur du nom d'Arek Ilsonda. Bonjour à toi. Salut Chris. Comment ça va? Bah ça va, tranquille. Merci de m'accueillir au sein de ce studio. Bah merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Donc tout d'abord, la question de base, peux-tu te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Alors moi c'est Arek Ilsonda, 28 ans. J'habite dans un petit village dans les Vosges. Je suis dessinateur illustrateur depuis un peu moins d'un an maintenant. Donc, voilà. Donc, je pense que tu as déjà un petit peu répondu, mais tu ne vis pas encore de tes dessins et de tes illustrations? Non, pas encore. Est-ce que c'est un objectif à plus ou moins long terme? Oui, oui, oui, clairement, d'ici, je pense, enfin, j'espère plutôt, je vais d'ici deux ans essayer d'en vivre, de me rapprocher pour pouvoir en vivre convenablement. D'accord. T'es bien parti pour l'instant ou... Bah, c'est le début. Donc c'est vrai que c'est assez calme. Il y a toutes des démarches à faire derrière. Bien sûr. Trouver des clients et tout ça. Donc c'est vrai que pour l'instant, on va dire c'est calme. Mais je ne doute pas que ça va décoller au fur et à mesure. Oui, tu travailles sur le fait pour que ça devienne réalité. Ah bah oui. Comment t'es venue cette passion? Car je pense que nous pouvons dire que tout ce qui est dessin, illustration, peinture, c'est... une passion. Oui, oui, clairement. Alors, pour la petite histoire, c'est... on va reprendre dès le début. Alors, c'est très simple, il y a un jour de février, j'ai été à une exposition de bande dessinée. D'accord. Dans une ville non loin de chez moi. Et puis là, je me suis... j'avais des planches, j'avais des textes qui expliquaient un peu la bande dessinée, tout ça. Et là, j'ai eu comme un déclic. Et puis je me suis intéressé donc à l'illustration, à la bande dessinée. Et puis c'est pour ça qu'après après plusieurs recherches et puis à internet, je recherchais une formation en ligne. Et ben je suis tombé sur un site qui m'a permis de faire cette formation pour être dessinateur, illustrateur, avec option bande dessinée, ils appellent ça. D'accord. Et ça, t'es pas obligé de dire le montant exact, mais ça coûte combien à peu près une formation pour s'il y a des gens qui aimeraient s'y tenter? Ça dépend du site, parce qu'il existe plusieurs sites, plusieurs organismes en fait qui font ce type de formation. Mais moi, on va dire en gros, comme ça de mémoire, j'irais entre 2 500 et 3 000 euros. Ah oui. Et donc ça, cette formation, tu l'as fait il y a un an, deux ans? Non, j'ai commencé le 11 avril 2019. Et je suis suivi pendant 3 ans, donc en gros, ce qui veut dire que j'ai encore jusqu'à avril 2021. Hein. D'accord, ouais. Donc voilà, mais bon, j'ai fini ma formation l'année dernière, en fait. D'accord. Dans quel type de création t'orientes-tu le plus? Est-ce que c'est plutôt la peinture, l'illustration, le dessin tout court? Alors, au tout début, je voulais faire dessinateur-illustrateur bande dessinée. D'accord. Puis, au sein de cette formation, j'ai découvert l'illustration jeunesse. Donc, pour les enfants, tout le monde connaît l'illustration jeunesse, pour les petits-enfants, plus ou moins grands, peu importe. Puis après, j'ai découvert l'illustration, enfin la peinture, plus la peinture, plusieurs types de peinture, telles que la peinture onirique, la peinture abstraite, via un livre qu'une de mes professeurs m'a conseillé de lire. Et puis, c'est à peu près tout, oui, peinture abstraite. Peinture onirique, imaginaire onirique, voilà, plutôt comme ça. Donc en fait, je suis passé par plusieurs phases, en fait. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, donc, ça fait bande dessinée, illustration jeunesse, peinture, voilà. D'accord. Mais justement, la peinture onirique, c'est un terme un petit peu mystérieux. Qu'est-ce que c'est exactement? La peinture onirique, c'est imaginaire, en fait. La peinture imaginaire, en fait, je pars d'un monde imaginaire, parce que bon, dans l'inconscient, mais dans le conscient, dans ma tête. Et mon but étant de, via ces peintures, faire passer un message. En fait. Mais je veux être dans le sérieux, mais pas forcément parce que je suis sérieux. Mais bon, j'aime bien rigoler aussi, quoi. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis j'avoue, je me cherchais un peu. Et puis justement, c'est cette fameuse professeure dont je vous ai parlé, donc qui s'appelle Mademoiselle Belmoctor, si vous passez par là, je vous salue, qui m'a dit qu'en fait j'ai un style plutôt, bah, justement, monde imaginaire, onirique, donc en rapport aussi avec les rêves. Mm-hmm. Et puis bah, voilà, quoi, c'est vraiment un style que j'apprécie tout particulièrement dans la peinture surtout. D'accord. Donc justement, j'ai actuellement ton site internet sous les yeux, donc on peut le citer, arigisanda.fr. Donc arekisanda.fr. Et nous pouvons lire du coup sur ton site que dans ta biographie, que ton but, comme tu l'as dit, est de faire voyager le lecteur et de lui accorder une parenthèse, enchantée dans un monde où tout s'enchaîne très vite. Mm-hmm. C'est vraiment la vision que tu as du dessin et de l'illustration. Bah, en fait, à la base, la phrase que j'utilisais, c'est des illustrations pour des voyages à tout âge. Enfin, faire rêver les gens pour des voyages de tout âge, enfin bref. Et puis justement c'est personne qui m'a fait le site qui a eu cette idée justement de changer cette phrase afin de la rendre plus voilà. Mm-hmm. Et en fait avec ce qui se passe malheureusement en ce moment, et puis il faut dire aussi que quand on est adulte, on perd un peu cette part d'enfance. C'est vrai. Beaucoup de personnes perdent cette part d'enfance qui est triste, faut bien l'avouer. J'avais envie justement de leur faire rappeler justement cette part d'enfance qui est en eux, elle est toujours là, sauf qu'ils décident de la cacher par peur peut-être du jugement de l'autre, par peur de passer pour un bêta, pour c'est poli, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis j'avais envie de leur rappeler, enfin, qu'ils n'oublient pas en fait qu'ils ont été un enfant, on a tous été des enfants. Bien sûr. Et puis il faut garder cette part d'enfance. Et c'est pour ça que j'ai choisi, donc, avec justement le graphiste qui a fait mon site, cette phrase-là. Parce que, le monde imaginaire, tout ça, les enfants, ils s'évadent justement dans des mondes imaginaires, que ce soit via des histoires, via des dessins animés, via plein de choses comme ça. Et en fait, c'est ça, mon but, c'était pour rappeler justement aux personnes leur part d'enfance, qu'ils l'oublient pas en fait. D'accord, donc n'oubliez pas votre part d'enfance, c'est vraiment le message que tu veux faire passer aux gens. C'est ça, clairement, oui, c'est clairement ça, c'est vraiment, oui, c'est clairement ça. Bon, c'est sûr qu'on a utilisé une phrase un peu plus longue, mais... Oui, mais... Donc, ce que tu veux procurer en dessinant ce message que tu veux faire passer, est-ce que c'est un message, justement, que tu aurais voulu qu'on te partage quand tu étais plus jeune? Est-ce que, en quelque sorte, c'est une revanche sur la vie que tu prends en dessinant? Alors, c'est une question assez compliquée, parce que quand j'étais jeune, on va dire, je suis resté enfant, très longtemps, on va dire. D'accord. Même quand j'avais 18, 19, 20 ans, j'étais encore, il faut dire, un enfant. Et après, bah, justement, je suis rentré dans le monde du travail, mm-hmm. bien avant dans mes 16 ans, mais bon, là, c'était encore. Mais dans le monde du travail, c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années que j'ai travaillé, que je me suis rendu compte de ces personnes, justement, qui sont toujours dans ce truc de... qui râlent, qui sont, je dirais pas déprimés, mais qui sont tristes, hein, voilà. Et puis, un jour, j'ai eu un déclic, et puis je me suis rendu compte, en fait, que j'avais moi aussi perdu cette petite part d'enfance que j'avais en moi. Et je me suis dit, non, ça peut pas être comme ça. Enfin, certes, quand t'es enfant, t'as pas de soucis, contrairement que quand on est adulte, tu sais qu'on a plus de soucis. Bien sûr. Dire. Voilà, c'est normal. Mais... justement, le fait de garder cette part d'enfance a peut-être tendance à estomper ses soucis, et ça fait qu'il voit la vie. Alors, ça va peut-être être un peu ringard, cliché, ce que je dis, mais bon, voilà la vie du bon côté. Donc c'est pour ça en fait que j'ai opté pour ça, en fait que j'ai décidé justement de me lancer dans l'illustration. Après, c'est pas une revanche en elle-même sur la vie, en fait. C'est surtout pour, comme je le disais tout à l'heure, pour inciter les gens à ne pas oublier. D'accord. Donc, dans tes illustrations, parce que des illustrations, ça permet de dénoncer plusieurs choses, mmh. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dénoncer, donc à travers tes dessins, tes différents dessins et tes différentes illustrations, la société actuelle dans laquelle nous vivons toutes et tous? Non, j'ai pas... pour l'instant, pas encore... J'y ai songé parfois, j'avoue, mais j'avais pas le, j'avais pas dire l'intuition, j'avais pas l'imagination, mais j'avais pas le truc en fait, il y avait pas cette chose là, donc non, pas pour l'instant. Après, on ne sait pas ce qu'elle a mis en réserve, donc c'est peut-être possible que par la suite je dénoncerai, je sais pas, pour prendre l'exemple, je sais pas, le machisme, je sais pas, mais voilà quoi, mais non. D'accord. Donc, je propose que nous nous lançons directement dans une première fréquence, dans un premier son, et nous allons écouter donc une chanson que tu as choisie, qui s'appelle Mon vieux de Daniel Guichard, et on écoute ça et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, nous sommes toujours en compagnie de Araki Sanda, dessinateur, illustrateur, peintre. Vous venez d'écouter Daniel Guichard avec Mon Vieux. Donc comme je le disais avant de lancer cette pause musicale, à Radio Gemozo, nous laissons toujours nos invités choisir les chansons à passer, afin que leurs émissions leur correspondent le plus possible. Alors, pourquoi avoir choisi cette chanson ? Alors j'ai choisi cette chanson déjà en hommage à mon père. Bon, il n'avait pas de pare-dessus râpé, il faut bien l'avouer, et il prenait pas d'autobus. Il y a cette chose que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, le moment où c'est que j'ai quitté le foyer familial, je me suis rendu compte, en fait, j'avais jamais trop passé de temps avec mon père, en fait. D'accord. Et puis bon, il est encore de cette terre, et j'en suis bien heureux. Et voilà, quoi. Et c'est pour ça, en fait, c'est une sorte d'hommage, surtout que aussi dans cette musique, il parle d'évasion. Mm-hmm. En fait, à un moment. pour rappeler encore l'évasion, la part d'enfance de, qu'on a en soi, en fait. Mais à la base, c'est vraiment pour, comment, pour justement un hommage à mon père qui a toujours été là pour nous aider, vraiment pour qu'on manque de rien, aussi bien que ce soit mes frères ou moi ou ma mère. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour en quelque sorte le remercier, en fait, de tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà. D'accord, donc si vous avez encore votre père, profitez-en. Donc, nous allons revenir au vif du sujet. Mm-hmm. Pour tes dessins, tes illustrations, tes peintures, quelle est ou quelles sont tes inspirations? Alors, j'en ai plusieurs. En fait, l'inspiration, je pars surtout d'un message en fait, que je voudrais transmettre. Par exemple, dans une peinture. Là, on va parler de peinture parce que l'illustration, voilà, mais l'illustration, c'est plus une illustration de conte. Dans une peinture, par exemple, une qui vient en tête là, c'est tristesse ou allégresse, en fait. Et puis, c'est vraiment pour faire cette comparaison, justement, enfin, pas comparaison, c'est ce duel entre justement les personnes tristes et les personnes heureuses, en fait. D'accord. Et c'est comment, pour se dire qu'en fait, malgré que si. On est bien, il faut bien en être conscient que parfois bah, ça va pas super. Il faut toujours garder ce petit sourire, garder ces petites parts d'humour et tout ça. Et c'est mon objectif de base, justement, faire passer un message via mes peintures ou illustrations, même si mes illustrations sont plus basées sur les contes ou sur. Voilà. D'accord. Mais bah, c'est vraiment pour ça. Là, c'est pour parler vraiment de la peinture, quoi. En général. Voilà. D'ailleurs, tu as fait une peinture. Tristesse et allégresse que tu as publié sur ta page Facebook. Oui, bah en fait je publie pratiquement toutes mes peintures ou esquisses sur ma page Facebook et mon Instagram aussi. Donc voilà, histoire de justement de faire encore plus, toucher encore un peu plus de monde, justement, parce que via les réseaux sociaux, maintenant, aujourd'hui, on touche beaucoup de personnes avec les réseaux c'est sociaux. Sûr. Donc ça aide justement à faire encore plus voyager ces messages. Bon, on mettra les liens de ta page Facebook et ton Instagram avec le podcast de l'émission sur notre page Facebook, Radio Gamozo. Du coup, je vois également sur ton site que tu t'inspires beaucoup des mangas, des BD. Donc, est-ce que tu en lis beaucoup, justement, des mangas, et des BD? Est-ce que tu regardes beaucoup d'animés ou de films pour trouver ton inspiration? Manga, je lis assez peu. C'est vrai que je lis assez peu de mangas. Je préfère les animés, en fait. D'accord. À la base, parce que bah, justement ça bouge et puis c'est plus facile à comprendre entre guillemets. Je préfère les bandes dessinées, j'en lisais depuis un temps, maintenant un peu moins. Mais sinon, oui, je regarde beaucoup de films, que ce soit aussi bien des films d'action, humour, justement des films qui passent des messages, donc autre message, ça fait répétition, mais bon, c'est pas très grave, mais voilà. C'est vrai que je me concentre plus vraiment sur les films ou des films d'animation. D'accord. Donc voilà, style les films des fameux Studio Ghibli, voilà, ou même pas forcément, mais vraiment voilà, ça m'aide justement à enrichir ma culture et puis justement avoir lui il dessine comme ça, et puis si moi je dessinerais comme ça, je pourrais tester sur une illustration, etc. Donc voilà, ça fait plusieurs choses à faire en même temps, en fait. C'est ça que. Bien. D'accord. Nous pouvons également voir sur ton site internet toujours que tu es, comme tu le dis, un amoureux du pays du soleil levant, mmh. Donc le Japon, mmh. Et également un amoureux de voyage en général. Mmh. Donc justement, un peu même question, t'inspires-tu de tes voyages pour également trouver de l'inspiration? On va dire que je voyageais au Japon en 2015 et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé justement dans certaines peintures. Je n'ai pas qui me vient forcément en tête, si peut-être à la limite charisme ou élégance peut-être, et ben avec les fleurs et tout ça, en fait au Japon ils ont vraiment cet art floral au niveau des peintures, ils utilisent vraiment les fleurs et tout ça. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand j'ai voyagé au Japon, j'ai dit par rapport à la culture française, bon, c'est totalement différent. Et ça m'a aidé justement pour certaines illustrations, voilà, même via certains illustrateurs japonais sur internet. On va pas dire je pompe dessus, quoi, mais on va dire que je regarde et je dis ah ouais, lui il fait ça comme ça, ouais, ça pourrait faire peut-être style d'estampe, donc des estampes japonaises, mm-hmm. et tout ça. Sinon c'est vraiment ce voyage là qui m'a inspiré sur pas mal de petites choses, On pourrait même, justement, tristesse ou allégresse, ça fait un petit peu, il y a un petit peu des nuances japonaises, japonisantes, c'est vrai. Mais voilà, quoi. Sinon, sur les autres voyages que j'ai faits, pas forcément. Si, un fameux voyage, ça date de bien des années, quand j'étais jeune, et ben comment, j'avais été en voyage avec l'école à Chartres. À Chartres, et puis on avait visité un atelier vitrail. Et justement, le fait de ces couleurs, je pense que ça m'est venu de là, en fait, parce que j'aime beaucoup les couleurs. Et ça m'est venu de là, en fait, justement, les vitrails et tout, c'était coloré, c'était beau. C'est des souvenirs que j'ai comme ça, et ça m'a inspiré aussi, justement, au niveau de ces couleurs. Sans compter que les couleurs, certaines couleurs, enfin, la plupart des couleurs, toutes les couleurs, en fait, ont des significations. Donc, voilà. C'est vrai que c'est plus le voyage au Japon qui m'a inspiré plus que les autres que j'ai fait. D'accord. Et donc, tu prévois d'y retourner au Japon, un de ces jours ? Alors, sur l'abstraction de ce qui se passe en ce moment, oui. Mais bien sûr, j'y retournerai. Quand, je ne sais pas, déjà, quand cette situation se calmera. Mm-hmm, non, ce n'est pas là pour ça. Mais voilà. Mais oui, c'est prévu. Et puis même visiter d'autres pays autres que le Japon, avec des cultures totalement différentes aussi, qui, je pense, pourraient m'inspirer par la suite. D'accord. Et donc, tu parlais de couleurs il y a quelques secondes. Est-ce que tu as des couleurs préférées dans lesquelles tu préfères dessiner, peindre, etc.? Bah, pas forcément. En général, j'évite le noir. Après, il y en a qui diront que c'est une couleur, d'autres non. Mmh. Ça dépend, pareil, chacun son point de vue. Mais en général, j'évite le noir. Non, j'ai pas forcément de couleur. À la limite, peut-être le rouge, qui pourrait faire justement, qui fait transmettre ce message justement de passion, d'amour, de danger aussi. Voilà. Le jaune aussi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup, mais en général, j'essaye de faire d'utiliser un maximum de couleurs. Même si en ce moment je suis en train de tester plusieurs formats, on va dire, de couleurs. Donc soit en triade, soit en tétrade. Après triade, 3 couleurs, tétrade, 4 couleurs, voilà, pas plus. D'accord. Voilà. Je vois également que tu aimes faire des découvertes. De quelles découvertes parles-tu exactement? Est-ce qu'il y a des découvertes particulières que tu aimerais faire? Ou est-ce que tu prends tout ce qui peut t'aider, tout ce qui peut renforcer ta culture générale, etc.? Des découvertes particulières, pas forcément. En fait, je prends justement, comme tu le disais, ce qui m'aide à renforcer ma culture générale. D'accord. Cependant, je suis quand même assez ouvert d'esprit. Donc, on va dire que quand on parle d'un livre ou d'un film ou d'un truc, je vais aller voir quand même. Parce que même si c'est quelque chose que je sais pas, j'apprécie pas forcément, je pense... On va dire, je ne doute pas que dans ce type de film ou de livre, peu importe, je trouverai peut-être, même ne serait-ce qu'un petit truc, même sur un film qui dure 2 heures et demie, un petit truc qui va dire, ah tiens, ça, je peux peut-être l'ajouter dans mes peintures, dans mes illustrations. Donc voilà, quoi. Bah, justement, les découvertes, comme tu parlais, de ce livre, ce fameux livre qu'une de mes professeurs m'a proposé, on va dire. C'était pas du tout dans ce que moi je peignais, mais elle a dit tu devrais essayer. J'ai lu, donc c'était Sonia Delaunay, sa vie, son œuvre. Ou alors, non, c'est une des deux, parce qu'il y a plusieurs livres en fait sur Sonia Delaunay, une peintresse, voilà, on dit comme voilà, qui elle, par contre, peint vraiment, qui est dans une abstraction et qui se base sur des formes. En général, c'est du rond. D'accord. Et donc, suite à ça, je me suis rendu compte que les formes avaient aussi des significations. Donc, voilà. Bien sûr. Nous pouvons également voir sur ton site internet que tu es assez éclectique au niveau du type d'illustration, que tu fais un peu beaucoup, enfin, tu fais différentes illustrations sur différents thèmes. Bah oui, en effet, il est vrai que je me renseigne sur plusieurs thèmes, donc il y a plusieurs. L'illustration, comme j'avais dit, on l'a dit au début de l'émission, justement, l'illustration BD, l'illustration jeunesse, et un peu l'illustration presse aussi. J'ai fait une illustration récemment, ça date quand même de novembre, je dirais, oui, novembre, ou peut-être décembre, qui faisait plus une illustration qui, à la base, était une illustration jeunesse, mais qui ferait plus dans une illustration d'une revue scientifique, en fait. Donc, voilà, quoi. En fait, je teste plusieurs médiums, plusieurs supports, afin de voir ce que je préfère le plus peindre, ou dessiner, ou illustrer, enfin voilà. Quoi. Donc c'est vrai que je me renseigne pas mal sur différents types d'illustrations, parce qu'il y en a tellement, en fait, il y a tellement de types d'illustrations que Est-ce qu'on peut pourra tous les faire un jour? Je ne sais pas, mais j'aime bien tester au maximum les choses. D'accord. Donc avant de parler plus en détail de tes créations, je propose que nous nous lancions dans une nouvelle fréquence et que nous écoutions une autre chanson que tu as choisie, Céline Dion, avec Je lui dirai. Et du coup, on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, nous sommes toujours dans Fréquence Libre et nous sommes toujours en compagnie de Hariki Sanda, dessinateur, illustrateur et peintre. Et vous venez d'écouter Céline Dion avec Je lui dirai. Ça va toujours ? Ça va toujours. Donc même question que pour la première fréquence, pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson de Céline Dion en particulier ? Tout comme la chanson précédente qui était un hommage entre guillemets à mon père, c'est aussi un hommage à ma mère. En fait, ma mère a toujours été, tout comme mon père, a toujours été là pour moi et mes frères, enfin pour mes frères et moi, pourquoi c'était plus poli, voyons, parce que voilà, pour mes frères et moi, et puis il y a ce fameux adage, le dicton que mon père il dit assez régulièrement, faut pas que je me plante, parce que je vais me faire prospecter sinon, qui est « Le cœur d'une mère est un cadeau que Dieu n'offre qu'une fois ». Ça prouve clairement qu'en fait, nous, en tant qu'enfants, après, est-ce que la femme et la fille sera plus proche de son père, le garçon plus proche de sa mère, c'est difficile à dire. Mais voilà, nous, je sais qu'on était assez proche de nos parents. Enfin, moi, personnellement, je suis assez proche de mes parents. Je suis très, très famille. Quand j'ai famille, c'est famille proche, donc les frères et les parents. Mm-hmm. Et voilà, quoi. Et puis aussi, justement, dans cette chanson, c'est une vision qui, elle dit « Le bonheur est un grain que l'on sème ». Preuve que si on est heureux, qu'on est bien dans notre corps, et ben ça va se voir, et donc ça va se partager, comme le rire est contagieux, comme on le dit, mm-hmm. ça va se partager aux autres gens qui se sentent peut-être mieux, justement, quand on sera là, quand on sera à leur côté et tout ça, et donc voilà, quoi, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. D'accord. Donc, comme nous le disions avant cette deuxième fréquence, tu es assez éclectique au niveau du type d'illustration. Tu peux faire, par exemple, des illustrations jeunesse, des illustrations presse, des peintures à la gouache, et tu as même une petite catégorie assez mystérieuse, si on peut dire, que tu appelles ta malle à dessin. Mm-hmm. Mais nous reviendrons plus en détail sur cette malle à dessin un peu plus tard. Nous allons laisser monter le suspense. Pourquoi faire des illustrations adressées à différents publics, comme la presse, la jeunesse, etc.? Comme je disais, justement, c'est pour tester plusieurs choses. En fait, j'ai testé plusieurs types d'illustrations. Bon, il en reste encore, j'ai pas pu tester. Mais j'avais envie de voir ce que je préférais. En fait, entre l'illustration jeunesse, entre l'illustration presse, tout ça, ou la peinture à la gouache. Et ce fait justement de tester sur différents, supports. Par exemple, l'illustration presse, on se base en général sur un texte, quoi. Tout comme l'illustration jeunesse, vous allez me dire, c'est vrai que bon, les comptes, mais là, ça, l'illustration presse, c'est des articles un peu plus sérieux, on va dire, et donc, c'est l'illustration, il faut qu'elle soit sérieuse, bien sûr, il ne faut pas non plus que ce soit strict, voilà, mais il faut que ce soit sérieuse. C'était un challenge, en fait, que je voulais me lancer, en fait, dans l'illustration presse, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait plusieurs illustrations sur plusieurs articles. Et puis voilà, tout comme l'illustration jeunesse sur plusieurs comptes et la peinture à la gouache. Donc là où c'est qu'on en revenait à ce que je disais tout à l'heure, justement, la peinture à la gouache, c'est vraiment plus vraiment dans ce style onirique, ce style imaginaire, ce style où c'est que, en fait, j'ai plus facile de faire passer des messages justement avec la peinture à la gouache qu'avec une illustration presse ou jeunesse. Bien que l'illustration presse, il y a moyen de faire retenir en fait l'article qui a pu être lu par certaines personnes, parce qu'ils vont dire ça, dire, ah oui, ils vont peut-être lier cet article à cette illustration, ce qui fait que ils se souviendront peut-être plus facilement de ce qu'il y a dedans. Pas de tout, mais de certaines choses qu'ils ne se seraient pas souvenus si il n'y avait pas eu cette illustration. D'accord. Donc comme tu dis, tu as plus de facilité avec la peinture à la gouache. C'est parce que tu as plus de liberté peut-être pour t'exprimer? Oui. Clairement, en fait, hormis le message que je veux faire passer, je ne me fixe pas de règles, forcément. Hormis le message et aussi le fait de bosser avec trop de couleurs. Voilà. Mm-hmm. Je ne me fixe pas de règles, forcément, en fait. J'ai pas cette chose de dire, ah oui, il faut vraiment que ça se rapproche pour reprendre l'illustration presse, de cet article. Il faut vraiment que ça se rapproche de ce compte pour l'illustration jeunesse. J'ai pas de règles, juste. En fait, là, la peinture à la gouache laisse libre cours à. Encore plus à mon imagination, ce qui fait que parfois je termine une peinture à la gouache, je suis dans le processus, je me dis ouais, en fait ça va pas bien rendre, et puis en fait j'arrive à la fin, j'ai ah ouais, si, en fait c'est vraiment pas mal, voilà, je suis plutôt satisfait, voilà, parce qu'il faut savoir, il faut être satisfait de ce qu'on fait. Cette fameuse phrase que pratiquement, je sais pas, tout le monde connaît, mais bon, plus beaucoup de personnes connaissent, il faut justement apprécier le voyage plus que la destination. Voilà, ça se rapproche un peu justement ce fait de créer, de tester et de dire le voyage est cool, mais le résultat sera peut-être pas satisfaisant, et parfois on a des bonnes surprises, et c'est ça qui est bien. D'accord. Donc dans chacun de ces domaines, est-ce que tu as une favorite, si tu veux qu'on peut les citer? Donc dans la catégorie illustration jeunesse, pardon, Tu as le collier de perles noires, l'œuf de soleil et la légende du sauterai. Donc, quelle est ton illustration chouchoute dans cette catégorie? J'en ai plusieurs, mais j'irais quand même la légende du sauterai, parce que le sauterai, c'est quand même quelque chose, enfin, c'est quand même une légende qui se passe dans les Vosges et en Lorraine. D'accord. Et comme je suis Vosgien, Lorrain, c'est plutôt, j'ai bien aimé faire cette illustration, même si cette illustration n'a pas été faite à la gouache, elle a été faite sur peinture digitale, donc sur logiciel. D'accord. Voilà, d'ailleurs, j'ai pas mal galéré pour la faire, mais bon, c'est ça, c'est justement en galérant que justement on se pousse, et ça s'améliore, et puis voilà, le résultat peut être pas mal. Mais oui, je pencherais pour la légende du sauterai. Donc la légende du sauterai, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit lutin ou un nain, voilà, qui va dans une grange en fait pour voler, je crois que c'est voler un âne, ou je sais plus quoi exactement, enfin bref. Et puis il se fait chasser par. Non, c'est pas ça. C'est le lutin qui va dans la grange pour nourrir les chevaux d'un fermier qui ne donnait pas manger à ses animaux. Hein, voilà. Mmh. Et puis ce fermier, en pleine nuit, il arrive, il le surprend, il le chasse. Et puis après, il y a une malédiction. Et puis le fermier, il se transforme en. Alors ça date, hein, donc il doit se transformer en âne, je crois. Et puis voilà, parce qu'il l'avait chassé, il le sauterait. D'accord. Après, le sauterait rien. Il le retransforme en, voilà, et puis il laisse le fermier laisse le sauterai nourrir ses animaux. Voilà, en gros, c'est pour résumer en gros, parce que j'avoue que c'est une illustration que j'ai faite il y a quand même plusieurs mois maintenant, peut-être même un an, peut-être, voire peut-être plus. Donc c'est vraiment des bribes, mais ça va être quelque chose comme ça en fait. D'accord. Dans la catégorie illustration presse, nous avons e-sport, les villes jouent des coudes pour accueillir la compétition. L'horoscope pour un magazine de survie est la réalité virtuelle, entre parenthèses VR, en a sous le casque. Et ici, quelle est ton illustration favorite? Sans hésitation, ça serait l'horoscope. D'accord. L'horoscope, parce qu'en fait, alors ça, il faut savoir que c'est des illustrations qui devaient servir comme devoir pour ma formation, en fait. Donc ma formation avec cet organisme, bon, je peux le citer, c'est Ligne et Formation, ça s'appelle. Très bonne, enfin pour moi, c'est un très bon organisme. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu avoir justement, arriver dans cette branche et puis justement découvrir plein de trucs. En fait, j'ai bien aimé travailler sur l'horoscope de survie, parce qu'en fait, comme il faut savoir que chaque signe astrologique a un élément. Bien air, sûr. Feu, eau, terre. Donc voilà, je crois que le scorpion, ça doit être eau, je crois, enfin voilà. Et puis en fait, c'est cette chose de mélanger justement l'élément, donc eau, feu, air, terre, qui se rapproche un peu de la survie. Parce que sans l'air, on ne vit pas, sans l'eau, on meurt. Voilà, donc plein de trucs comme ça, sans la terre, on ne sera pas là. Ben voilà, et de mélanger justement, de faire que ça se rapproche des signes horoscopiques. Du signe astrologique, je sais pas exactement, pas grave, des cinéroscopes qui est tout en se rapprochant, justement, en étant justement dans ce magazine de survie. Donc c'est d'ailleurs pour ça que sur ces illustrations, je me suis basé sur l'élément de chaque signe, et puis en fait j'ai utilisé des petits bouts de bois, j'ai dessiné des petits bouts de bois en fait, parce que grâce au bout de bois on fait le feu, et puis grâce au feu on fait la nourriture, tout ça. Bien sûr. Donc voilà quoi, et c'est une illustration que j'ai assez et que j'ai bien aimé travailler dessus. Parce que clairement, ça m'a encore une fois poussé justement dans un autre domaine. Parce que j'étais vraiment, avant, par un temps, j'étais dans la bande dessinée, enfin, sur son jeunesse, j'ai fait la BD, et puis après, il y a eu ce devoir. Donc j'ai essayé de faire au maximum que ça se rapproche, sans que ça paraisse trop, j'allais dire sérieux. Mais parce que bon, il y a pas mal de personnes quand même qui se basent par rapport à l'horoscope avec. Notamment en fonction des relations amoureuses, voilà, ascendant, machin, enfin bon. C'est pour ça, j'étais assez satisfait d'ailleurs du résultat, bien que, il faut bien l'avouer, j'ai pas eu une tournée de notes, hein, mais il faut, c'est pas le dire. Mais voilà, j'étais satisfait, c'est ce qui était le plus important. Le fait d'être satisfait, j'ai remarqué que j'ai progressé pas mal justement dans la peinture digitale grâce à cette illustration. D'accord. Donc justement, pour cette catégorie, donc illustration presse, as-tu déjà essayer de soumettre ces illustrations à des magazines ou des revues? Non, parce que comme c'était justement des devoirs, d'accord. En fait, il fallait pas, on pouvait pas les soumettre. Et même si on, enfin, est-ce qu'on pouvait pas, je sais pas, après, j'ai pas forcément demandé à mes professeurs, Mais je veux dire, comme il y a eu, il faut être sincère et honnête, il y a eu quand même quelques défauts dessus, il y a eu quelques défauts. De toute façon, rien n'est parfait. Hein. Mm-hmm. Enfin, j'aime dire qu'on est tous parfaits dans notre imperfection. Donc voilà. Donc, j'ai pas pensé à les soumettre justement à des magazines. C'est après, bon, comme j'ai enchaîné sur d'autres illustrations, bah, j'ai pas forcément pensé en fait. J'étais clairement concentré sur la formation. J'étais vraiment sur les devoirs et tout ça, et puis j'ai pas forcément pensé en fait à comment les soumettre à un magazine. D'accord. Dans la catégorie peinture et gouache, nous avons les yeux étincelants de la petite Boako, le petit chaperon rouge, la princesse au petit pois, nature morte à l'orange, écureuil et courgette et rose au pluriel. As-tu une illustration pareille préférée parmi toutes celles-ci? Alors les natures mortes étaient vraiment pas bien, enfin vraiment bien plutôt que tout pas bien, non, c'était vraiment bien. Ça m'a permis justement d'améliorer justement le niveau de mes ombrages et tout ça. Mais si j'aurais une illustration à garder, ça serait... Après le petit chaperon rouge, c'est plus dans l'illustration jeunesse. Mm-hmm. Donc voilà. Ça serait quand même les yeux intentionnels de la petite Boako. En fait, c'est un conte. Un conte, une légende en fait même, africaine, je crois. En fait, c'est simple, c'était un village, donc le village de la petite Boako, qui était attaqué toutes les nuits par des... J'allais dire des méchants, mais voilà, ça va être attaqué par des gentils, quoi. Mais attaqué par des autres. Et puis, en fait, il s'en sortait jamais, en fait, ce village. Et puis, elle a demandé l'aide à Dieu, je sais plus comment il s'appelait. Et puis, elle a dit, bah, écoute, si vraiment tu veux aider ce village, c'est en fait, dans une nuit sombre, en fait, eux, les personnes qui attaquaient étaient habituées à se battre la nuit. Or, les villageois du village de la petite Boako étaient plus habitués à se battre le jour. Mm-hmm. Vraiment, donc il a dit, si tu veux, je peux t'aider. Mais dans ce cas-là, il faut donc tu montes en haut d'une montagne et que tu sautes en fait dans l'eau. En fait. Et là, t'inquiète pas, tu ne mourras pas parce que mon fils, donc c'est Dieu qui parle, mon fils qui est amoureux de toi t'aidera. Il sauvera quoi. Elle l'a fait. Suite à ça, son fils... qui habitait sous la montagne, sous la falaise là où c'est qu'elle s'est jetée, et ben elle a sauvé. Elle est, on va dire, morte, même si bon, pas forcément, voilà. Et puis en fait, le dieu, en gros, on peut dire qu'elle est devenue une déesse en fait. Et puis elle est montée dans le ciel. Et grâce à ça, la lune a éclairé les armes de l'ennemi. Ce qui fait que son village, en fait, il a pu distinguer les ennemis. Et grâce à ça, là, ils ont gagné, en fait. Et depuis ce jour, en fait, la petite Boako, elle veille sur son village depuis le ciel, en fait, depuis la lune. Quoi. On appelle ça les yeux intercellents de la petite Boako, parce que justement, il y a la lune, mais il y a ses yeux. C'est grâce aux yeux qui brillent, telle la lune, qu'elle a sauvé son visage. En fait, en gros, c'est sacrifié pour les personnes qu'elle aimait. Quoi. En gros, voilà. Ah oui, ça passe un assez joli message quand même. Oui, pour certains, oui, pour d'autres, il y en a qui trouvent qu'on sera bête, mais je pense pas. Je pense que oui, c'est. Voilà. Et puis encore, je crois qu'elle a que 11 ans ou quelque chose comme ça. Mmh. Après, ça, c'est une légende. Oui. Après, on dit qu'une légende est basée sur les faits réels. Passons maintenant à la catégorie mystérieuse, on va dire la malade des saints, dans laquelle tu n'as qu'une seule illustration. Illustration que tu as intitulée Panthère, tout simplement. Pourquoi n'en avoir fait qu'une et pourquoi une illustration sur la Panthère? Alors, j'en ai fait qu'une parce que justement, cette Panthère, c'est de l'illustration digitale. Enfin, c'est de la peinture digitale. Et puis en fait, suite à ça, pour expliquer un peu le petite chose, c'est qu'en fait, suite à ça, j'avais assez accroché après la peinture digitale. Or, en fait, quand on fait de la peinture digitale, on utilise une tablette graphique. Or, ma tablette graphique a lâché, et puis je me suis refocalisé sur la gouache que j'avais laissé un peu de côté. Et puis, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une illustration dans la malade dessin qui est une peinture digitale. Et pourquoi Panthère? Parce qu'en fait, c'est des, justement, c'est des, on va dire, des messages, entre guillemets, à à certaines séries ou certaines oui, on peut dire certaines séries, certains messages, plus dessins animés en fait, que j'ai connu dans ma jeunesse, on va dire, même si je suis pas si vieux que ça, mais quand dans ma jeunesse, comme par exemple La Panthère, en fait, c'est une fameuse série qui date de fou, là, qui s'appelait Manimal, en fait, le gars sort son nom Panthère. Par exemple, la Ford Mustang qu'il y a derrière, j'aime cette voiture. Et puis l'autre, le style un peu rock biker, parce que comme je suis motard, et puis comme mon père est motard, quelque sorte un message en fait à mon père, et puis justement à ce style, justement rock biker un peu, voilà. Et puis voilà quoi, aussi par rapport, je dirais, à une série aussi que je regardais pas mal quand j'étais plus petit, c'était Le Clown, une série allemande qui justement un peu dans ce style là enfin voilà, c'est plusieurs messages en fait que j'ai réunis dans cette même illustration. D'accord. Oui, on peut dire, mais en fait, c'est plusieurs messages de mon enfance, en fait. Oui, c'est ça, c'est comment ça. Je me suis basé sur des, plus des séries que des dessins animés, d'ailleurs. Mais ouais. Donc, le personnage de son illustration avec la panthère, je pense qu'on peut dire qu'il te représente, en fait. Que c'est toi, entre guillemets. Un petit peu, si on part du principe que j'ai la même barbe et la même moustache, oui, c'est vrai. Mais... oui, en gros c'est ça. Et puis en fait c'est moi au centre, et puis entouré de tout ce que j'ai connu entre guillemets quand j'étais plus jeune en fait. Donc oui, c'est ça. D'accord. Donc comme nous le disions tout à l'heure, toutes tes illustrations ne sont pas sur ton site internet. Non. Tu en partages aussi beaucoup, plusieurs fois par semaine, sur ta page Facebook Araki Sanda. Mmh. Sur laquelle on trouve de tout, donc des natures mortes, des peintures abstraites, des peintures faites en triade, en tétrade aussi, des esquisses et d'autres nombreuses illustrations, peintures, dessins. Et est-il important pour toi, à tes yeux, de se diversifier? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Pour moi, se diversifier, c'est important parce que pour moi, c'est comme ça qu'on progresse. Certaines personnes diront que non, pas forcément. En fait, il faut se concentrer forcément que sur un truc. C'est là où c'est que tu progresseras plus vite. Moi, j'aime bien comment justement changer un petit peu. Et voilà quoi. Après, c'est vrai que je partage plus sur les réseaux que sur mon site. Parce que, on va dire, peut-être, comme je disais tout à l'heure, on touche plus de gens via les réseaux sociaux que via peut-être le site internet. Si la plupart des gens, moi personnellement, les autres, je ne sais pas, si vous recherchez un illustrateur, je sais que personnellement, moi je vais aller, sur Facebook. J'ai trouvé, chercher la page Facebook, voilà. Mm-hmm. Donc, et puis suite à ça, après je vais aller sur le site et voilà. Et voilà, et puis c'est vrai qu'en fait, sur ces réseaux, je partage, comme tu disais, plusieurs choses. Les esquisses, j'aime bien pour voir vraiment le déroulement, le processus de la peinture. Abstraite, justement, abstraite, après c'est de la peinture abstraite avec des formes. Beaucoup de formes, parce que justement chaque forme signifie quelque chose. Par exemple, le triangle avec la pointe d'en haut, ça signifie la masculinité, c'est un mot très dur à dire. Le rond, ça signifie la féminité par rapport au ventre de la mère. Bien sûr. Le rectangle horizontal, donc sur le grand côté, c'est couché sur le grand côté, c'est la stabilité, et ça peut être aussi la lassitude. Enfin voilà. Et puis voilà, puis justement avec les couleurs, comme je disais tout à l'heure, donc le bleu, l'espoir, le violet, la spiritualité, le rouge, la passion, le danger, tout ça, en fait. Le fait de partager sur les réseaux, ça me permet de toucher plusieurs personnes, en fait, plusieurs personnes, même plus de personnes que via mon site internet qui, pour moi... En fait, tout le monde a Facebook maintenant, donc il suffit que tu te connectes sur ton compte, boum, tu cherches dans la barre de recherche à Facebook, TDLM, tu tombes dessus. Voilà. Que là, après, bon. Après, pour moi, c'est plus de facilité pour les gens. Après, peut-être que je me trompe, c'est possible aussi. Mais bon, j'ai pas la science infuse, je peux pas dire que. Mais pour moi, c'est en effet c'est plus simple pour moi. D'accord. Fais-tu des œuvres pour d'autres personnes? Par exemple, si quelqu'un souhaite une peinture en particulier ou un dessin, peut-il ou peut-elle s'adresser à toi? Oui, clairement, ils peuvent me demander. Après, j'ai mes domaines, quoi. Si par exemple on me demande un portrait, non, parce que je suis pas capable de le faire. En fait, les portraits, je suis pas. C'est très beau. Les portraitistes, franchement, ils sont vraiment là, voilà, mais j'aime. Bah, j'aime pas faire le portrait, en fait, c'est comme ça. Par contre, on me demande une peinture sur dans le monde imaginaire, je sais pas, il me file un thème, je sais pas, j'ai pas rien qui me vient en tête, je sais rien, un lotus, je sais pas, bah, je peux faire quelque chose comme ça. Donc, je peux faire des peintures pour des personnes. D'ailleurs, il y a une personne qui m'avait déjà demandé une fois, tiens, comme tu peins, tu pourrais me faire des choses. Or, lui, il recherchait plus dans le portrait, parce qu'il voulait quelque chose de famille, en fait, pour ta famille. Mm-hmm. Et je dis, bah non, je peux te le faire, mais non. Enfin, je peux essayer de te le faire, mais t'auras pas le résultat que tu espères, quoi. Donc, je préférais être honnête et dire, oui, je vais le faire. Et puis, en fait, voilà. Donc, voilà. Après, s'il m'aurait demandé une illustration dans le monde onirique, dans le monde imaginaire et tout ça, là, oui, je l'aurais fait, parce que c'est plus mon domaine. En fait, bien que j'aime m'intéresser à plusieurs sujets, j'évite de trop m'éparpiller sur les choses qui ne m'intéressent pas forcément. Après, peut-être si je viens justement à m'intéresser justement au portrait, pour reprendre l'exemple du portrait et tout ça, peut-être je vais vraiment bien aimer. Peut-être. Mais pour l'instant, ça, c'est peut-être par la suite, mais pas pour l'instant. Donc oui, s'il y a des personnes qui veulent une peinture, plus une peinture, gouache, parce que je bosse à la gouache, sur le médium, gouache, crayon de couleur, puis feutre noir un petit peu aussi. Ils peuvent s'adresser à moi, ils m'envoient un message sur Facebook, tout ça, après, ou via mon site, hein, peu importe. Et puis, avec le thème qu'ils veulent, s'ils veulent faire passer un message, je sais pas, si c'est pour leur mère, pour leur père, pour leur frère, pour leur chien, je sais pas. J'ai fait une illustration, une peinture d'ailleurs, à la gouache, pour une personne, pour son chien. On va dire qu'elle a plutôt bien aimé. Hein, voilà. Donc, elle en a même pleuré d'ailleurs. Mais voilà. Donc voilà, si dans les animaux aussi, j'aime bien peindre les animaux et tout ça. D'où c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait une commentaire. Voilà, dans par exemple charisme et élégance, il y a un toucan. Voilà, parce que le toucan, c'est, dans certaines cultures, c'est signe d'élégance et de charisme. D'accord. Donc voilà, et puis voilà. Donc oui, ils peuvent venir s'adresser à moi, et puis bah, je leur répondrai, puis je leur dirai si oui ou non je peux le faire. Et tu as une fourchette de prix à peu près, ou ça dépend de l'illustration Ça dépend de l'illustration. Ça dépend du nombre d'heures que je passe dessus. Si on parle en prix par jour, si on compte 8 heures, voilà, c'est 300 euros tarif journalier. Environ. Hein, environ. D'accord. Donc, voilà. C'est vrai que c'est assez élevé, mais bon, l'illustration, en fait, voilà. Quoi. Il y a une personne qui dit... Il y a une illustratrice qui dit si vous pouvez pas vous acheter cette peinture, c'est pas qu'elle est trop chère, c'est juste qu'elle n'est pas dans vos revenus. Quoi. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Avant de terminer, je te propose que nous nous lancions dans une troisième fréquence, fréquence que tu as choisie. C'est Demi Limour, pardon, avec Diane. Et nous nous retrouvons juste après. I promise I didn't know he was your man. I would have noticed the gold wedding band I am. I'd rather you hate me than not understand. We'll be right back. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Nous sommes toujours dans Fréquence Libre et vous venez d'écouter d'Emily Moore avec Diane. Nous sommes toujours en compagnie de Harry Kisonda, dessinateur, illustrateur, peintre. Ça va toujours ? Toujours, toujours. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, où peut-on te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Harry Kisonda, donc A-R-E-K-I-S-A-N-D-A, donc il veut dire Alexandre en japonais. Instagram. Vous pouvez me retrouver sur TikTok aussi. Puis sur mon site. Voilà. C'est à peu près où, c'est à peu près tout. D'accord. Si nous voulons te faire part de nos avis, de nos suggestions, de nos demandes, as-tu une adresse mail ou préfères-tu que nous nous adressions à toi depuis ta page Facebook ou depuis ton site ? Peu importe. En fait, oui, j'ai une adresse mail alors, contact@rikisanda.fr. Mais vous pouvez aussi, via mon site, j'ai un onglet contact, en fait, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des suggestions, tout ça, ou par Facebook en message privé, ou Instagram, message privé, enfin, vraiment les trucs, j'allais dire, basiques, quoi, je suis atteignable, il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? De réussir, de toujours garder cette part d'enfance, et puis de réussir à toucher un maximum de gens, et à leur faire renaître cette part d'enfance qu'ils ont malheureusement parfois perdu. D'accord. Donc voilà, l'émission arrive donc à son terme. Merci à Rick Sanda d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi matin pour votre chronique La Cristoire des auteurs et toujours lundi à 14h pour une nouvelle émission de Fréquence Libre. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi à 18h. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée. On vous laisse en musique juste après le générique. Merci de votre fidélité à Radio Gemozo et je vous dis à très bientôt. Salut !